Le président national du Parti progressiste du peuple du Nigeria, le président du Comité national béninois d'études des idées du Jutsi, le vice-président du Parti pour la patrie libre du Brésil et le président de l'Association d'amitié Nigeria-Corée ont témoigné du soutien et de la solidarité en mouvement pour destituer Bakouni, livré vigoureusement par tous les milieux sud-coréens à la suite des scandales de Bakouni et de Choi Soon-sil, affaires des vices et corruptions peu communs à l'aide du pouvoir, et souligner que les autorités sud-coréennes doivent accepter la juste revendication de la population.